J'y pense tout le temps. J'arrive pas à dormir. Il y a les idées qui me reviennent. Et ma famille ne veut rien dire. Mariam n'avait que 11 ans quand le mari de sa grande sœur a commencé à la violer. Le calvaire a duré pendant 4 ans. Impossible encore aujourd'hui pour elle de tourner la page. C'est mon papa qui ne veut pas porter plainte. J'arrive même pas à comprendre pourquoi elle ne veut pas porter plainte. Il dit que ce n'est pas grave, ce sont des choses passées, c'est la famille, trucs du genre. Mais moi, j'aurais aimé qu'il porte plainte. Parce que je veux que justice soit faite pour moi. Parce que j'avais que 11 ans. Ce qui est terrible, c'est que ça va me poursuivre toute ma vie. C'est le fait d'être plus vierge et d'avoir été violée. C'est ça, ça va me poursuivre quand je serai mariée et tout. Parce qu'ici, c'est au Sénégal. Ma belle famille. C'est ce qu'ils ne vont, ils vont pas comprendre. C'est cette réaction, ils ne vont pas comprendre. Ça va créer d'autres problèmes. Quand Mariam livre son témoignage, des larmes coulent dans ses yeux. Elle dit que ce n'est pas grave, que le plus important pour elle, c'est de réussir à parler. C'est une honte atroce que vous allez devoir survivre. Il faut juste en parler et se libérer pour continuer de vivre sa vie. Parce que le fait de le garder, c'est de souffrir, ça ne vaut rien. Il faut juste prendre son courage à deux mains. Peut-être que Dieu nous aidera à en sortir. Karine Franck, Dakar RFI.